Chapitre 2. À côté, dans un coin de son coupé, les glaces relevées, Ghislaine put déchirer l'enveloppe que le notaire lui avait remise. Elle ne contenait qu'une lettre et une note écrite par son oncle. Ce fut par cette note qu'elle commença. « La lettre ci-jointe m'a été remise par son auteur le jour même où elle a été écrite. Elle est la preuve, elle est l'aveu d'un crime qui, je l'espère, restera ignoré. Mais si jamais il était découvert, elle porterait témoignage contre le coupable. Chambray. » Vivement, elle passa à la lettre, et le début, elle le lut sans trop d'émotion. Que lui importaient ses déclamations? Que lui importaient ses plaintes et ses cris de révolte? Mais au mot « Je vous aimais », l'indignation la suffoqua comme si c'était une déclaration. Elle le voyait devant elle, elle l'entendait, et dans son cœur résonnaient encore les éclats sourds de sa voix heurtée. Elle reprit, et sans s'arrêter, alla jusqu'au bout. Mais arrivée à la dernière ligne, elle chercha si c'était tout. « Une arme, » disait son oncle. « Le crime découvert, peut-être, une accusation au moins contre le coupable, est nécessairement la défense de l'innocente, mais ce n'était pas sur cela qu'elle avait compté. Découvert, le crime ne l'était pas, et ce qu'elle avait cru trouver, c'était un moyen pour qu'il ne le fût jamais. À quoi, en ce moment, cette lettre pouvait-elle lui servir? Elle ne le voyait pas, et restait dans un inconnu dont le mystère l'épouvantait. Que ne pas craindre d'un homme capable de tout? En sortant de chez le notaire, le cocher était venu rue Monsieur pour changer de chevaux. Elle descendit de voiture et serra la lettre avec la note de son oncle dans un meuble où elle devait être en sûreté. Inutiles en ce moment, elle devenait peut-être le lendemain l'arme qu'elle était venue chercher. Car maintenant, qui pouvait savoir ce que serait ce lendemain? Ne trouvant rien pour se défendre sous le coup immédiat de la déception, elle s'était dit qu'avec la réflexion et en se remettant de cet écrasement, il lui viendrait sans doute une idée. Mais la route se faisait, les villages défilaient devant elle. Bourg-la-Reine, la Croix de Berny, le pont d'Antony, et elle restait paralysée dans son impuissance. Il lui semblait qu'au lieu de la surexciter comme elle l'avait cru, le mouvement rapide de la voiture l'engourdissait et elle se sentait entraînée en imagination comme elle l'était en réalité. Rien pour la retenir. Rien pour la guider, l'éclairer, et au bout le gouffre dans lequel tombait avec elle, entraîné par elle, ceux qu'elle aimait, son mari, sa fille. C'était vainement aussi qu'elle cherchait à prévoir ce qu'il pouvait contre elle et contre eux. Tout sans doute, puisqu'il avait écrit cette lettre. Quand même elle lui résisterait, elle le repousserait, c'était la lutte, et dans cette lutte, le repos, le bonheur, l'honneur de son mari ne seraient-ils pas atteints? À cette pensée, une sueur froide la syncopait. Lui, malheureux par elle, 10 années d'amour et de bonheur s'effondrant dans la honte, que n'avait-elle cru ses craintes, quand aux instances de son oncle elle répondait par un refus? Elle la frappait, cette punition qu'elle sentait alors suspendue sur sa tête. Dans son désarroi et sa confusion, si profond que fussent son trouble et son émoi, elle n'avait cependant pas une seule fois admis la possibilité de l'abandon et de la fuite. Il voulait la voir, il la verrait, car ne pas aller au rendez-vous qu'il lui donnait ou lui faire fermer la porte quand il se présenterait, c'était remettre le danger au lendemain et non l'écarter. Repoussé par elle, que ne ferait-il pas? À qui ne s'adresserait-il pas? Avant tout, elle devait savoir ce qu'il voulait. Après, elle aviserait. La Mare aux Joncs, le lieu de rendez-vous qu'il avait choisi, était un de ces endroits les plus sauvages et les plus déserts de la forêt. Une combe étroite entourée de collines boisées, point de chemin pour y arriver, mais seulement des 3 sentiers tortueux, des grands arbres sur les bords de la mare et toute une végétation foisonnante de roseaux. Sur les collines, des pais taillis. Elle serait là à sa discrétion. Si personne ne pouvait entendre ce qu'il dirait, personne non plus ne viendrait à ses cris si elle appelait. Et il ferait d'elle ce qu'il voudrait. Bien qu'elle fût brave ordinairement, jamais elle ne s'exposerait à ce danger. Ce serait folie. Mieux valait encore le laisser pénétrer jusqu'à elle dans le château, malgré sa répulsion et son dégoût. Au moins n'y serait-elle pas seule et sans secours. Ce lui fut un soulagement de s'être arrêtée à cela. Sans doute elle ne savait ni ce qu'elle dirait, ni comment elle se défendrait, mais au moins elle n'était plus dans les résolutions. Quand elle entra dans la bibliothèque, elle trouva son mari au travail, et en la voyant, il eut un sourire d'heureuse surprise. Tendrement, il l'embrassa. Mais il la connaissait trop bien. Ils étaient trop intimement, trop profondément liés l'un à l'autre pour qu'il ne sentît pas dans cette étreinte qu'elle était troublée. « Tu as éprouvé une contrariété, » dit-il en la regardant. « Pas d'autre que celle de n'être pas resté près de toi. J'ai travaillé quand même. Malgré tout, je crois que demain tu seras contente. » Ainsi qu'il avait été convenu entre eux, il croyait qu'elle assisterait le lendemain à la séance de la chambre. « Veux-tu que je t'indique les points principaux de mon discours ?»« Certainement. » Elle se débarrassa de son chapeau et prit sa place ordinaire devant son petit bureau, tandis qu'il s'asseyait sur un coin de la grande table. Alors il commença, les yeux fixés sur elle, mais il n'alla pas loin. « Est-ce que tu trouves que je ne suis pas dans le vrai ?» demanda-t-il en s'arrêtant. « Je ne trouve pas cela du tout. Tu as l'air de ne pas me suivre. Mon air te trompe. » Elle était au supplice. Car elle avait beau faire, elle sentait qu'à certains moments sa volonté lui échappait. Alors son regard trahissait sa préoccupation, et comme il ne la quittait pas des yeux, tout de suite il s'apercevait de ce désaccord. Il fallait qu'elle s'appliquât. N'en aurait-elle pas la force, faible cœur qu'elle était ? « Continue, dit-elle, je t'assure que je te suis. Si tu trouves cela mauvais ou à côté, dis-le franchement, je t'en prie. Mais non, je ne trouve pas cela mauvais. Qui peut te donner cette idée ? Il reprit. Ce fut elle à son tour qui ne le quitta pas des yeux. De temps en temps, elle faisait un geste d'approbation, ou bien elle murmurait. « Bien, très bien. N'est-ce pas ? » Alors il s'échauffa, et de l'analyse toute sèche de son discours, il passa peu à peu à des développements sous lesquels se sentait le mouvement oratoire. À le suivre ainsi, elle se laissa prendre à ce qu'il disait et à oublier sa propre situation, suspendue qu'elle était aux lèvres et aux yeux de son mari, complétant par la pensée les effets qu'il laissait de côté. En la retrouvant telle qu'il l'avait vue depuis 10 ans, il allait toujours. Quittant sa table, il avait fait un pas vers elle, puis deux, et maintenant il parlait en la tenant dans le cercle de ses bras, penché sur elle, l'effleurant presque de sa barbe. Tout à coup, il s'arrêta et se mettant à sourire. « Mais c'est une vraie répétition, » dit-il. Elle se jeta à son cou dans un mouvement passionné. « Ah, pourquoi t'interromps-tu » s'écria-t-elle en le serrant dans ses bras. « Alors c'est bien ? C'est superbe. Vraiment ? Vas-tu douter de moi maintenant ? Non, chère femme. De moi, oui, toujours. De toi, jamais. Tu verras demain la force que m'aura donné ton appui d'aujourd'hui. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose. Mais tu n'étais pas là. Je ne pouvais pas te consulter, je ne savais que penser. » Pendant qu'il parlait, elle se demandait comment elle s'y prendrait pour ne pas aller le lendemain à la chambre. Quoi inventer ? Quel prétexte trouver ? Quelle excuse assez bonne pour qu'il l'acceptât sans s'inquiéter, sans se peiner ? Ce fut à chercher ce prétexte que sa soirée se passa. Et partout, au dîner, à la promenade qui le suivit, elle porta malgré ses efforts une préoccupation évidente qu'elle ne rendait que plus sensible par ce qu'elle faisait pour la dissimuler. Quand elle comprenait qu'elle se trahissait, elle se jetait dans une gaieté factice dont bien vite elle avait honte et qu'elle cherchait aussitôt à racheter par un élan de tendresse sincère. Jamais il ne l'avait vue dans cet état. Elle qui d'ordinaire était si bien équilibrée, d'une humeur si douce, si juste, si calme. Il n'osait pas l'interroger et même il n'osait pas l'observer de peur qu'elle se tourmentât. Et pour comprendre ce changement, il ne trouvait qu'une explication. Elle était souffrante, nerveuse. Peut-être ce rapide voyage à Paris l'avait-il fatiguée. Alors il s'appliqua à la distraire, en ayant soin de ne pas laisser deviner qu'il la trouvait autre qu'elle n'était habituellement. La nuit, il se releva 3 ou 4 fois, pour venir pieds nus, sans bruit, écouter derrière la portière qui séparait leur chambre, si elle dormait d'un bon sommeil. Et toujours il entendit qu'elle s'agitait et respirait d'une façon irrégulière. Le matin, l'inquiétude l'emporta sur la réserve. Et il ne put pas s'empêcher de l'interroger. Mais elle se défendit. Elle n'avait rien. Peut-être était-elle un peu nerveuse, ce qui tenait sans doute au temps orageux. Alors il lui proposa de ne pas venir à Paris. Son discours, elle le connaissait, et il le dirait peut-être beaucoup moins bien à la chambre qu'il ne l'avait dit la veille pour elle seule. D'ailleurs, par ce temps orageux, l'atmosphère des tribunes serait étouffante, comme le voyage à Paris serait pénible dans la chaleur du midi. Elle fut grandement soulagée de le voir ainsi venir au-devant d'elle et ne se défendit tout juste que ce qu'il fallait. « Eh bien, je resterai, » dit-elle, « mais à une condition. Toutes celles que tu voudras. reviens aussitôt que ta présence ne sera plus indispensable à la chambre. Je te le promets, jamais je n'ai eu autant besoin de toi, de ta présence, de ton amour. Veux-tu que je n'aille pas à la chambre? Y penses-tu? Pourquoi pas? Et ton discours? Un discours a-t-il jamais changé un vôtre? Qu'importe le vôtre, l'essentiel est de faire son devoir. Rien n'est perdu si l'honneur est sauf. Si jamais elle n'avait eu autant besoin de lui, jamais non plus elle ne l'avait embrassé avec l'ardeur passionnée qu'elle mit dans son étreinte lorsqu'il se sépara d'elle pour monter en voiture. « De bonne heure, tu me le promets, » dit-elle. « Aussitôt, aussi vite que possible.